à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous emmener dans un lieu unique qui allie patrimoine, nature et divertissement. Nous sommes en effet à la pagode de Chanteloup, un site exceptionnel qui cet été accueille un cinéma de plein air. Pour nous en parler, nous sommes accueillis par Charline Cassonnet, responsable accueil et promotion, et puis Raphaël Hublot, responsable bâti et paysager de ce lieu magnifique. Bonjour à tous les deux et merci de nous recevoir. Bonjour, merci à vous. Voilà, bonjour madame. Alors rares sont les auditeurs des communautés de communes environnantes qui ne connaissent pas la pagode de Chanteloup, évidemment, mais peut-être y en a-t-il encore qui ne l'ont pas visité. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu historique et nous dire ce qui le rend si spécial ? Donc pour la pagode de Chanteloup, nous sommes sur un site classé au monument historique du XVIIIe siècle qui fut construit par le duc de Choiseul entre 1775 et 1778 pour en fait remercier ses amis qui lui ont rendu visite pendant son exil. Ce site est unique puisque, comme vous l'avez si bien mentionné, ça lie patrimoine et nature puisqu'on peut admirer la pagode et la vue sur Amboise et profiter également du site et de ses jardins. Alors, tout à l'heure, on discutait hors antenne, je me tourne vers vous, Raphaël, mais je demandais à Charline s'il y avait beaucoup de locaux qui venaient visiter la pagode ou s'il y avait beaucoup de touristes. C'est quoi un petit peu la part ? Alors, on va dire que majoritairement, c'est des Français, aux deux tiers de la fréquentation, un bon tiers d'étrangers. Des personnes locales, c'est minoritaire, mais on n'est jamais le bon ambassadeur des lieux autour desquels on réside. Les Parisiens vont jamais visiter l'Arc de Triomphe, les Amboisiens vont pas souvent à la pagode, pas plus certainement qu'ils aillent dans les autres monuments. Voilà. Mais ceci étant, bien sûr, ils sont les bienvenus, parce qu'on le dit toujours, la pagode, évidemment, c'est un monument d'Amboise qui fait partie intégrante de la vie des Amboisiens, donc ils y sont évidemment chaleureusement accueillis, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais... Nous avons une association, l'Association des Amis de Chanteloup, qui évidemment a une carte d'adhérents avec plusieurs choix possibles. Et avec cette carte, à l'année, les personnes peuvent venir autant qu'elles veulent sur les lieux pendant la saison. Donc ça peut, vous voyez, soulager aussi des personnes d'un coût de visite qui effectivement est nécessaire, puisque c'est ce qui maintient la propriété, mais qui peut soulager pécuniairement les personnes, et ils prennent une carte à l'année et ils viennent autant de fois qu'ils veulent pendant la saison pour passer un moment agréable en ce lieu. Qui peut tout à fait être familial, au contraire même, puisqu'il y a plein d'aménagements, notamment pour les enfants autour de nous, on peut voir qu'il y a des jeux qui sont accessibles, voilà, ça c'est bien de le rappeler également. Oui, tout à fait. On propose des jeux en bois, donc pour les enfants et pour les adultes aussi. Et pour les enfants notamment, nous avons un jeu, donc un sac mystère de Chanteloup. Donc c'est un petit parcours à faire pendant la visite. Et en fait, ils ont un petit parchemin à compléter. Et c'est vrai que les enfants s'amusent beaucoup avec ce petit parcours. Donc une partie de patrimoine ludique. Alors cet été, vous proposez un cinéma de plein air. Est-ce que c'est la première fois et comment est née cette idée ? Donc c'est la première fois que nous proposons un cinéma en plein air. Cette idée est née puisqu'on souhaitait justement réunir un peu les Amboisiens et les personnes des alentours en nocturne pour notamment profiter des lieux après la fermeture du site au public. Alors le film qui va faire l'objet de cette projection de plein air, c'est Jeanne Dubarry, un drame historique belgo-franco-britannique coécrit et réalisé par Mai Wen avec Mai Wen elle-même et Johnny Depp. Un film qui a été présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2023, donc un film relativement récent. Pourquoi ce choix et est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous allez le découvrir l'un et l'autre à l'occasion de cette projection plein air ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que Jeanne Dubarry a un lien indirect avec la construction de la pagode de Chanteloup et avec le duc de Choiseul, puisqu'on va dire que c'est entre guillemets grâce à elle que la pagode fut construite et que le duc fut exilé. Et alors moi personnellement je n'ai pas encore vu le film, donc ça sera l'occasion du coup de le voir ce jour-là. Très bien, et vous Raphaël ? Oui, alors nous l'avons vu au Sable d'Olonne, c'est très drôle, voilà. Oui, on ne s'y attendait pas, on a vu Madame Dubarry, on s'est dit vraiment la Touraine nous poursuit, même au bord de la mer. Alors je trouve au point de vue décor extrêmement bien réussi, l'ambiance est vraiment très bien réussie au niveau du XVIIIe siècle, donc on ne pouvait nous qui être sensibles, alors on est certes parti pris, mais c'est très réussi. Et pour un cinéma en plein air, dans un lieu quel qu'il soit, de voir un peu, si vous voulez, une cause à effet entre la projection et l'endroit, c'est plutôt une chance. Voilà. Donc évidemment, on ne dira pas assez fort qu'il faut venir le plus nombreux possible. Voilà. Alors le synopsis, Jeanne de Vaubernier, une jeune femme d'origine modeste qui cherche à s'élever socialement en utilisant ses charmes. Son mari, le comte du Barry, qui s'enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, la présente au roi Louis XV. Avec l'aide du duc de Richelieu, le roi s'éprend de sa nouvelle conquête et décide d'en faire sa favorite officielle. Voilà un petit peu le synopsis de ce film. Alors quelles sont les installations mises en place pour accueillir le public et garantir une superbe expérience pour ce cinéma de plein air ? Alors si vous voulez, il fallait que les personnes puissent jouir de l'endroit d'une façon la plus sympathique possible. Donc on a choisi de mettre l'écran au pied de la pagode, mais au dos du monument quand nous arrivons par l'entrée principale, ce qui ne gênera pas le panorama. Nous serons sur une esplanade gazonnée, donc d'un accès facile, c'est-à-dire horizontal, c'est-à-dire que les personnes n'auront pas d'ennui avec des marches, des dénivelés, etc. Donc c'est quand même pas là. Bien sûr, il y aura de quoi s'asseoir. Alors je sais que le cinéma de plein air, il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi avec leur plaid, qui se posent sur l'herbe, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment, mais il est prévu des chaises. Il y a bien sûr des réservations possibles, mais nous avons prévu, j'allais dire pour les personnes du dernier instant, d'avoir une billetterie sur place pour accueillir les personnes d'une façon tout à fait agréable. Très bien, donc pas de panique, il y aura de la place, c'est assuré. Nous avons des esplanades qui ont de la surface, donc j'allais dire, nous avons matière à accueillir du monde, voilà. Très bien, alors on a affaire à un expert de la météo, Charline, hein, puisque Raphaël nous a dit qu'il avait regardé et il n'y aura pas de pluie, pas d'intempéries, mais toutefois vous aviez imaginé une solution de repli au cas où, mais ce ne sera pas le cas, vous nous assurez que la météo sera parfaite. Alors oui, je suis sûr, on va dire à 99,9%, bon, je ne citerai pas mes sources météorologiques parce qu'il ne faut pas faire de publicité. Il est bien évident qu'on a quand même pensé, le cas échéant, à une solution de repli puisque nous avons des barnums qui servent à des réceptions. Donc il est possible de mettre un écran sous un barnum, d'y mettre suffisamment de chaises pour que les personnes y soient installées le mieux possible. Mais il est bien évident que le but, c'est de jouir de l'ambiance du parc, du panorama, du coucher de soleil avant la projection, ce qui évidemment n'a rien à voir à être sous un barnum en contrepartie. Alors, le cinéma de plein air fait partie des événements de l'été, mais il y a d'autres choses qui sont prévues, d'autres événements, d'autres activités à venir, notamment début septembre, l'anniversaire d'un événement local qui est la Nuit des Rois, Charline. Alors oui, exactement. Donc cette année, la Nuit des Rois, donc la course cycliste d'Amboise, fête ses 25 ans. Et pour l'occasion, le départ se fera à la pagode, comme ça a été fait il y a 25 ans. Alors, c'était pour le 20e anniversaire. Où également on a eu la manifestation qui s'est déroulée dans le Grand Canal de la Pagode, qui est un lieu qui est tout à fait atypique pour faire des manifestations. On y a déjà fait d'autres manifestations, dont notamment des feux d'artifice. On pouvait accueillir 30 000 spectateurs dans le Grand Canal. Donc, on va dire qu'on a de l'espace pour ce genre de choses. Et donc, effectivement, il y aura toute une animation dont les organisateurs reparleront eux-mêmes avec un village gastronomique, un podium. Et donc, les coureurs partiront effectivement de la pagode, mais l'arrivée se fera également sur le site avec feux d'artifice, jeux de lumière, etc. Enfin, là encore, il faut que la météo soit aussi fidèle que nous le souhaitons pour samedi prochain. Voilà. Il est un peu tôt pour le savoir, pour le coup. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réserver ? On va revenir au cinéma de plein air. Combien ça coûte et à quelle heure est-ce qu'il faut arriver ? Alors, pour la réservation, ça peut se faire sur le site internet de l'Office de tourisme, puisque c'est eux les organisateurs. Donc, le tarif est de 6 euros. C'est à partir de 19h et la projection du film se fait à 21h30. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas réservé sur le site internet, puisque, comme mon collègue l'a mentionné, on pourra acheter les billets directement sur place, puisque nous avons prévu une billetterie également sur place. Et petit plus, pour les détenteurs du billet du jour, donc qui ont visité la pagode, évidemment ils ne vont pas repayer une deuxième fois, donc ils peuvent rester sur le site après l'heure de fermeture et rester donc pour la projection du film. Juste une petite précision, les personnes qui viendraient visiter le site en journée, mais qui souhaiteraient ressortir pour faire autre chose avant la projection, auront leur billet tamponné et pourront avoir, comme ceux qui resteraient sur place jusqu'au soir, libre accès à la séance de cinéma. Voilà, puisqu'on leur tamponnera leurs billets, ce qui permettra de les identifier. Voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient rester, possibilité de se restaurer sur place ? Alors oui, il y a possibilité de se restaurer sur place avec nos paniers pique-nique, avec des produits régionaux, donc à 19 € avec le repas complet. Nous ne pouvions pas ne pas parler des journées du patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre prochains. Alors que proposera la pagode à cette occasion ? Alors le thème de cette année des journées du patrimoine, c'est patrimoine des réseaux et des connexions. Donc nous allons bientôt publier ce que nous allons proposer pour les journées du patrimoine, donc le 21 et 22 septembre, avec du coup ouverture de 10h à 19h. Et notamment, par exemple, des visites guidées la journée. Et Monsieur Renaud Kuhlmann, donc un harpiste thérapeute, qui jouera donc le week-end au Salon de Marbre de la Pagode, donc avec une super acoustique, et vraiment, c'est très apaisant. Très bien, alors toutes ces infos, on peut les retrouver, j'imagine, sur les réseaux, Charline ? Alors oui, donc on est présent sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, et aussi sur notre site internet, dans la rubrique Actualité. Alors, il y a une petite chose à dire qui est très amusante et très philosophique, et je trouve que ça va très bien à la pagode de Chanteloup. Le monument appartient à celui qui le regarde. C'était le mot de la fin, très adapté à la situation et au lieu. Eh bien écoutez, merci à tous les deux, Charline et Raphaël, pour toutes ces informations. Merci de votre accueil également. On souhaite beaucoup de succès à votre cinéma de plein air et à toutes les autres activités que vous allez proposer. Et on encourage évidemment nos auditeurs à vivre cette expérience unique, découvrir un film historique dans un lieu historique. Merci encore et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci madame, merci à tous, au revoir. Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Un ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi. Je t'aime. C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie ? Pour aller où ? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi ? À la bagatelle. Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses ? Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi.